Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Aliénor d'Aquitaine, voici une figure historique avec qui les choses vont vite. À peine a-t-elle épousé le fils du roi de France, Louis VI le Gros, que bam, le roi meurt et la voilà reine de France. À peine a-t-elle divorcé de Louis VII, que bam, quelques semaines plus tard, les deux nouveaux mariés, cette fois avec le duc de Normandie, comte d'Anjou, du Maine et de Touraine. Et bim, puisque le duc devient roi d'Angleterre, la voici de nouveau reine, sans cesse à cheval entre l'Aquitaine et l'Angleterre, Aliénor tient les rênes. Henri avait 18 ans quand je l'ai connu et j'étais reine de France. Il arrivait à Paris venant des brumes du Nord avec l'intelligence d'Aristote et la beauté du péché mortel. Nous avons violé les commandements dès l'abord. Je fis annuler mon union avec Louis et plus tard, au printemps, non loin d'ici, nous nous sommes mariés. Le jeune comte Henri et sa comtesse. Mais il a suffi de 3 années pour que je redevienne reine et qu'il devienne roi d'Angleterre. Couronné à 21 ans. Il n'y avait alors ni Thomas Becket, ni Rosemonde, ni aucun rival. Seulement moi. Seulement elle, dans le film Un lieu en hiver d'Anthony Harvey en 1968 avec Catherine Hepburn, qui est Aliénor d'Aquitaine. Bonjour Fanny Madeleine. Madeleine. Bonjour. Dites donc, je disais, les choses vont vite. C'est vrai que ça va vite hein, avec elle. Ah oui, oui, c'est une sacrée femme de pouvoir, comme on en a assez rarement ensuite dans l'histoire, enfin en tout cas à cette période-là. Donc effectivement, elle est assez impressionnante. Et pour parler d'Aliénor d'Aquitaine, Amaury Chaou, bonjour. Bonjour. On a un personnage extraordinaire ici, mais on parle d'un mariage avec le roi de France, très bien, et d'un divorce. Est-ce que c'est quelque chose de commun, l'idée de divorcer? Nous sommes au XIIe siècle. Alors non, c'est pas du tout commun. Ce serait d'ailleurs plutôt une annulation de mariage, hein, puisqu'il faut recourir à une procédure auprès du pape. Il est évident que Eugène III n'est pas au départ spécialement ravi d'apprendre ça. Il y a beaucoup de discussions autour du concile de Beaugency, et puis finalement, comme cela se fait quelquefois, on produit des dispenses pontificales pour pouvoir aller jusqu'au bout de la procédure. Eh ben oui, c'est bien pratique. Fanny, Madeleine, pourquoi ce divorce? Ces deux époux ne s'entendent plus, mais ça suffit à expliquer cette séparation? Alors, non, ça ne suffit pas. Il y a des règles de consanguinité qui sont établies par la papauté à ce moment-là et qui servent en général aux puissants de ce monde à annuler un mariage qui ne fonctionne pas. Et le Capétien, Louis VII, n'a que 2 filles avec Aliénor et comme le couple ne fonctionne pas et qu'il veut un héritier, il va consentir à l'annulation de ce mariage. Qui est en fait une erreur politique importante. D'ailleurs, c'est seulement après la mort de Suger qu'une telle annulation peut avoir lieu parce que son conseiller politique est mort quelques années auparavant et il n'aurait absolument déconseillé au roi de renoncer à cette union qui permettait au royaume de France d'acquérir l'Aquitaine. Ouais, voilà, le roi Louis VII avait un bon conseiller, mais le conseiller n'étant plus là, bah voilà, le pape peut accorder cette dispense. On a ici à un moment particulier de notre histoire où il faut replacer les différents éléments pour comprendre que cette séparation entre Louis VII, le roi des Francs, et Aliénor d'Aquitaine a des conséquences géographiques. Parce que Aliénor d'Aquitaine, elle possède l'Aquitaine. Ça veut dire que au moment où ils se séparent, Louis VII n'a plus l'Aquitaine. Est-ce qu'on doit le concevoir comme ça? C'est pas tout à fait qu'il n'a plus l'Aquitaine, mais l'Aquitaine étant un fief mouvant de la couronne de France et un des principaux, en séparant, il remet en circulation, si on peut dire, la suzeraineté sur l'Aquitaine, c'est-à-dire qu'il permet à Henri, comte d'Anjou par ailleurs, duc de Normandie, donc déjà un prince territorial parmi les plus puissants possibles, il le remet du coup en selle pour s'approcher d'Aliénor et pourquoi pas décrocher sa main qui est celle d'un des plus beaux partis possibles parmi les princes et princesses, là pour le coup, territoriaux du royaume. Mais donc, ça va à une vitesse folle d'ailleurs. Ça va à une vitesse folle, effectivement, parce qu'il n'y a pas qu'Henri à être prétendant. Beaucoup de gens voient l'opportunité unique. Donc lorsque Aliénor se déplace après l'annulation au concile de Beaugency, elle est approchée très très près. Il y a des moments où c'est assez tendu pour elle. Et puis, finalement, elle se rapproche d'Henri Comte d'Anjou, qu'elle connaît depuis pas mal d'années, parce qu'il y a 10 ans d'écart entre les deux personnalités. Aliénor est de 10 ans plus âgée. Et comme reine de France, elle a eu devant elle plusieurs fois le jeune Henri d'Anjou, parce que, suivant son père, il a été obligé de se rendre à la cour de France devant Louis VII au sujet de l'hommage pour l'Anjou et aussi du côté de sa mère à lui pour la Normandie. Voilà, ils se connaissaient. Ils se connaissent très bien, bien sûr. Il se trouve que c'est un mariage hypergamique qui est en train de se dessiner parce que Aliénor d'Aquitaine, à ce moment-là, est infiniment plus que Henri d'Anjou. Eh oui, elle est reine de France, et puis il y a cette Aquitaine, et lui, qui est-il? Comment on peut le présenter, Henri d'Anjou? Alors l'Anjou, déjà, le nom, on voit, hein, nous nous trouvons là, entre ces différents territoires, hein, entre ceux du roi de France, entre l'Aquitaine. Qui est Henri d'Anjou? Alors d'abord, il se fait pas tellement appeler Henri d'Anjou. il se fait appeler Henri Fitz-Empress. Du nom, parce qu'il était le fils de Mathilde, qui avait épousé l'empereur germanique Henri V, et qui était rentré en Angleterre après la mort de son époux, amenant un certain nombre de trésors depuis l'Allemagne, notamment des couronnes impériales, qui vont servir à manifester un peu son statut d'ancienne impératrice. Elle prétend avoir été couronnée impératrice à Rome, et elle est la seule héritière de Henri Ier d'Angleterre, donc le grand-père d'Henri II, et elle réclame la succession au trône, ce qui ne va pas se passer comme ça, puisque c'est son cousin Étienne de Blois qui va réussir à obtenir le serment des barons et monter sur le trône d'Angleterre à la mort d'Henri Ier, et va s'ouvrir à ce moment-là une période de guerre civile entre Mathilde et Étienne pour reconquérir le trône. Et elle va avoir un certain nombre de partisans avec elle. Et puis finalement, elle va réussir, à la fin de la guerre civile, à faire reconnaître son fils comme l'héritier de Étienne de Blois pour lui permettre d'accéder au trône d'Angleterre. C'est le traité de Westminster. Et donc Henri, lui, se fait appeler Fitz-Empress du nom de sa mère, alors que justement les partisans d'Étienne de Blois disent qu'en fait, il n'est que fils de comte. Donc le fait de dire Henri d'Anjou, finalement, c'est une manière de reprendre les arguments des partisans qui sont de Étienne de Blois et qui sont contre lui. Lui, il se voit comme l'héritier du roi d'Angleterre, le véritable héritier. Moi, je suis content d'apprendre d'un coup que j'ai été partisan d'Étienne de Blois sans même le savoir en disant Henri d'Anjou. C'est une question de nom, évidemment, qui se joue ici. Et parmi tous ces noms, il y en a un qui est resté dans la postérité, c'est Plantagenet. Henri II était en fait le second Plantagenet, le premier étant son père Geoffroy le Bel, comte d'Anjou, dont il existe au musée de Tessé, au Mans, une très belle représentation du XIIe en émail chanlevé. C'est donc à lui que fut attribué le surnom de Plantagenet, et la raison était facile à trouver. Tout simplement parce qu'il portait une blanche de genêt accrochée à son casque, et le surnom lui est resté Geoffroy Plantagenet, surnom que l'on donnera ensuite à toute la dynastie de ses successeurs. Les Plantagenets assis sur le trône d'Angleterre donneront de grands noms à l'histoire. Henri II tout d'abord, Richard Cœur de Lion, son fils, qui aujourd'hui repose près de lui à Fontevraud, Jean Santerre, Édouard III et le prince Noir entre autres. C'est en 1483, à l'avènement des Tudors, que la dynastie perdra son nom, mais ses descendants, au cours des siècles, auront peuplé toutes les cours d'Europe. Loire-Bretagne, actualité en 1973, avec une trompette de Loire-Bretagne, actualité qui nous présente les Plantagenets. Dites-nous, Amaury Chauhou, qui sont-ils? Vous êtes historien médiéviste, professeur en classe préparatoire, chercheur associé à l'université Rennes 2, et vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Les Plantagenets et leurs cours, publié aux Presses universitaires de France. Déjà, ce nom, on l'évoque, ça a une signification particulière, Plantagenet? Dans le contexte du XIIe siècle, le nomastique n'est pas du tout fixé comme on l'entend nous aujourd'hui. Et le nom de Plantagenet, en fait, on le voit apparaître vraiment de façon statique dans les chroniques au XVe siècle. Geoffroy, comte d'Anjou, le père d'Henri II, c'est Geoffroy le Bel, en fait, si on résume dans les chroniques. Bon, donc c'est nous qui, par esprit d'étiquetage, si vous voulez, avons pris l'habitude d'appeler Henri II Henri Henri de Plantagenet, comme on dit Capet, si vous voulez. Capet, c'est bien postérieur à 987 et à l'Assemblée de Senlis, vous voyez. Dites-nous, Fanny Madeline, maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et autrice des Plantagenets, leur empire, construire un territoire politique, cette origine des Plantagenets. Alors, le nom lui-même, non, parce qu'on entend le Genet, moi j'aime bien, il y a un petit côté d'un seul coup végétal, c'est vrai ou pas? Alors, l'anecdote est vraie. Déjà, elle a été écrite par un chroniqueur, etc. Donc, d'ailleurs, je me souviens plus exactement le... C'est Wass. C'est Wass, voilà, c'est ça, c'est Wass. Il raconte quoi? Eh ben, il raconte ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il se baladait avec une branche de genêt à son casque, à son bonnet, pour être identifié. Donc, l'anecdote existe, mais là, comme vient de le dire Amaury, la fixation dans le nom de la dynastie va être beaucoup plus tardive. Et d'ailleurs, les Anglais, les Britanniques, pour parler de ces rois Henri II, Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, ne disent pas les Plantagenets, ils disent les rois angevins d'Angleterre. Et ils vont attribuer le nom de Plantagenet à la dynastie seulement à partir du règne d'Henri III au XIIIe siècle. Alors en 1152, au moment du mariage d'Aliénor avec Henri, je ne dis pas d'Anjou. Il y a quoi ici comme territoire pour ce jeune couple? Ah bah la corbeille s'annonce très bien garnie, hein, puisque du côté d'Henri par son père, donc c'est le comté d'Anjou, hein, qui est un comté très puissant. Déjà au Xe siècle, le comte d'Anjou est un personnage très important dans le jeu politique franc à l'époque de l'accession de Hugues Capet au trône. Par sa mère, donc Fanny vient de le dire, il y a la Normandie, et puis il y a surtout tout ce qui va avec la Normandie, c'est-à-dire l'Angleterre, alors dont on va accepter voilà les provinces galloise, on va accepter l'Écosse, mais il y a quand même une revendication sur l'Écosse. Et puis il y a cet ensemble très très étendu donc du nord au sud. Vont s'ajouter par la suite la Bretagne, puisqu'Henri II va la faire basculer par une combinaison politique assez subtile à la suite d'une crise dynastique interne. Et puis Henri II étant en difficulté politique en 1170 à l'issue de l'assassinat de Thomas Becket, il va essayer de se racheter un petit peu auprès de Rome et de se faire apprécier autrement en lançant une grande expédition sur l'Irlande, qui est un petit peu un Hastings en réduction. Et en 6 mois, puisqu'il va balayer les Gaëls sur son passage, il va s'octroyer une suzeraineté sur l'Irlande. Donc on se retrouve avec un très très vaste ensemble qui est un conglomérat, en fait, depuis le mur d'Adrien jusqu'au col pyrénéen, et puis depuis l'estuaire de la Loire et la Bretagne jusqu'aux marches en direction du Berry. Vous utilisez le mot « ensemble » parce que bien souvent, quand il est question des Plantagenets, on voit le mot « empire » apparaître. Pourquoi on peut prendre une distance avec ce mot « empire » Parce que c'est un ensemble de dominations qui sont très hétérogènes, c'est-à-dire que par rapport à ce que serait pour nous un empire classique, l'empire carolingien ou l'empire romain, où il y a donc une domination de nature publique quelque part, et puis toute une aristocratie de hauts dignitaires, d'officiers qui détiennent quelque part un pouvoir de délégation de par l'empereur. Là, ça fonctionne pas du tout de la même façon, parce que Henri est roi d'un côté de la Manche, il est duc de l'autre côté, et à côté de la Normandie, il est comte en Anjou, il est duc par le chef de sa femme en Aquitaine. Donc ça renvoie à une hétérogénéité de mode de gouvernance, de droit, de coutumes, de langue, de monnaie même, si on veut aller sur le terrain de l'économie, qui est très importante. Fanny Madeline, comparé au territoire que domine le roi de France, c'est immense. Le roi des Francs, c'est un petit à côté de ce qui s'annonce avec les Plantagenets. Oui, c'est effectivement très, très disproportionné. Et en même temps, les Plantagenets sont des vassaux du roi de France. Ah, le paradoxe. Voilà. Je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Amaury, puisque moi, je ne suis pas d'accord sur l'acceptation du mot empire. Je pense que, justement, c'est cette hétérogénéité qui fait la marque des empires par rapport aux États nationaux, par exemple. Donc, pour moi, c'est un argument en faveur du terme d'empire. La difficulté, c'est que Henri II n'a pas de titre impérial. Il n'est pas empereur. Pour moi, c'est ça, en fait, le nœud qui fait que c'est compliqué parce qu'il y a déjà des titres impériaux en Europe à ce moment-là. Il y a le titre impérial germanique, le titre impérial byzantin. Il y a les rois de Castille-Léon qui prétendent aussi à avoir un titre impérial. C'est le pape qui donne ce titre-là et il ne donne pas à Henri. Et Henri II ne cherche pas forcément à l'avoir non plus. Donc pour moi, la question, c'est que dans les ensembles politiques du XIIe siècle, c'est compliqué de parler d'empire parce que il existe déjà des configurations et il n'en est pas. Mais si on prend empire d'un point de vue, disons, de catégorie politique d'analyse de, pour comprendre le fonctionnement de cet espace, pour moi, c'est un concept opératoire. Mais je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, on a un collègue britannique qui dit « c'est un empire qui n'a pas de nom ». Voilà, parce qu'il retient l'expression d'imperium. Et là, pour le coup, effectivement, ça fonctionne comme un imperium médiéval. Oui, avec toujours cette difficulté de savoir de quoi l'on parle, et vous l'avez très bien dit, Fanny Madeline, empire couvre plusieurs réalités. Donc selon la réalité que l'on adopte, bien sûr, ça ne dit pas exactement la même chose. Ce qui est certain, c'est que c'est vaste, c'est hétérogène, et que dans ce territoire-là, nous avons un souverain qui n'a pas une capitale fixe. On est encore au temps des capitales itinérantes, en tout cas, il va partout, tout le temps. C'est un souverain qui voyage beaucoup. À cheval, sur mer, oui, partout, tous les temps. C'est quelqu'un qui, alors, Fanny a retracé pour lui et pour Richard et Jean Santerre les itinéraires terrestres et maritimes. Et c'est quelqu'un qui n'arrête pas, effectivement. Un autre de ses noms, puisqu'on était dans les noms tout à l'heure, en dehors de Henry Fitzimpress, certains l'appelaient Henry Courtemantle. Bon. Mais le manteau court renvoie à l'idée de la praticité pour monter à cheval. Voyez. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'était pas spécialement un mondain au sens où on peut l'être par la suite des rois de France comme les Valois, si vous voulez. Par contre, c'est quelqu'un, oui, qui se plaisait sur la route, au bord des chemins, à faire halte et très peu de temps en général, ce qui donnait lieu à une intendance assez sophistiquée. Et quelles sont les grandes villes de ce vaste territoire? Alors, l'essentiel de le cœur, en fait, dans lequel circulent les Plantagenêts. D'ailleurs, en fait, Aliénor circule pas tout à fait de la même manière que Henri II. Elle est beaucoup plus statique, sédentaire. Dans les premières années, elle reste plutôt en Angleterre, après son mariage. Et d'ailleurs, c'est là où elle va enfanter la plupart de ses enfants. C'est en Angleterre, parce qu'ils vont être rois d'Angleterre, donc il faut qu'ils naissent sur le territoire anglais. Oxford, donc ça va, le territoire va entre, effectivement, Oxford, Londres, Westminster, Winchester, et puis au sud, et la Normandie, et on va dire que il fréquente le plus au sud, la ville de Chinon, Poitiers. Voilà. Et après, il parcourt un peu les territoires au-delà, mais ça, c'est véritablement le cœur de leur itinérance. Quand on voit ce territoire, quand on regarde la carte, on se dit, et vous l'avez très bien dit, hein, du mur d'Adrien, c'est-à-dire de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées, vaste territoire et cette complexité où nous avons ces personnages qui sont vassaux d'autres, moins puissants qu'eux. C'est vrai qu'on a du mal à concevoir tout ça. 1152, Henri II épouse Aliénor d'Aquitaine. 2 ans plus tard, il est roi d'Angleterre. Le 25 octobre 1154, accédait à la couronne d'Angleterre l'aîné des fils de Geoffroy le Bel et de l'impératrice Mathilde, ainsi désigné de son premier mariage avec Henri V de Germanie, Henri II Plantagenet. Dès lors était constitué ce que les historiens appellent, improprement d'ailleurs, l'Empire Angevin ou Empire Plantagenet, rassemblement de territoires insulaires et continentaux qui, à des titres divers, relevèrent de ce prince et de ses premiers successeurs. À 21 ans, Henri II réunissait sur sa tête la succession anglo-normande par sa mère, petite-fille de Guillaume le Conquérant, la succession angevine, Anjou, Maine, Touraine, par son père, la succession de Guillaume X, Poitou et Aquitaine, enfin, par sa femme Aliénor. Raymond Forville, professeur d'histoire du Moyen-Âge dans l'heure de culture française en 1954, avec cette présentation. Oui, un couple à la tête d'un vaste territoire. Très bien. Comment s'entend le couple? Aliénor, on l'a dit, a 10 ans de plus qu'Henri, donc Henri II, qui est maintenant le roi d'Angleterre. Ils s'entendent bien, ces deux-là? Alors, ils s'entendent bien jusque dans les années 70, début des années 70. Ils s'entendent assez bien. Henri II va reprendre un petit peu... au début de son mariage, les revendications politiques de sa femme, qui est duchesse d'Aquitaine et qui veut récupérer en quelque sorte le Toulousain, le comté de Toulouse, qui normalement devait être un fief rattaché à l'Aquitaine. Et Henri II va mener une grande campagne en Toulousain en 159 pour accompagner et puis soutenir les revendications politiques de sa femme. Ils vont avoir un certain nombre d'enfants. Aliénor est quasiment enceinte de manière continue entre 1154 et 1166. Oui. Donc en fait, ils vont quand même former un couple à la fois uni, on va dire sexuellement, conjugalement, mais aussi politiquement, puisqu'ils vont se soutenir dans leurs ambitions politiques réciproques. Mais dans des systèmes dynastiques, c'est pas en marge, ces questions-là. Avec Louis VII, le roi de France, elle avait eu que des filles. Là, elle a des garçons, elle a de nombreux enfants. À Maurice-Chaux, c'est très important. Bien sûr, tout le monde observe cela. Bien sûr, d'ailleurs, le premier à naître, alors décède très vite, mais on lui donne donc le prénom de Guillaume, volontairement, puisque ça renvoie à l'ancêtre normand. Ah, Guillaume le Conquérant, bien voilà. Vu. Voilà, et puis ensuite donc va naître Henri, qui lui va grandir, va devenir un grand jeune homme, Henri le Jeune. Et puis ensuite, tous les deux ans à peu près, il y en a un ou une à naître, jusqu'aux deux derniers, donc Jeanne. Donc future Jeanne de Sicile et puis Jean Santerre, les deux derniers. Est-ce qu'on comprend pourquoi ces relations se dégradent un peu, ce que vous nous avez expliqué, Fanny Madeline, que ça ne va plus à partir d'un certain moment? Alors, l'Aquitaine est en question, puisque l'Aquitaine et puis aussi la manière dont justement Henri II essaye d'organiser sa succession. C'est-à-dire que en 1169, il rencontre le roi de France, Louis VII, et qui essaye de jouer intermédiaire dans le conflit avec Becket. Là, on est en plein dans le cœur du conflit avec Becket. Et il va un petit peu, Louis VII, essayer de pousser Henri II à régler sa succession entre tous ses fils. Et à ce moment-là, on assiste à un partage qu'on appelle le partage de Montmirail. Et pour régler sa succession, il va demander donc à ses fils de prêter hommage au roi de France pour être reconnus comme les successeurs des fiefs français du roi d'Angleterre. Donc l'aîné, Henri le Jeune, dont on vient de parler, va hériter de la Normandie et de l'Angleterre et de l'Anjou. Donc tout ce qui relève de son héritage paternel. Donc il va prêter hommage au roi de France pour l'Anjou, la Normandie et aussi la Bretagne. Et à ce moment-là, il recevra l'hommage de son frère Geoffroy, qui pourrait recevoir l'hommage, enfin le duché de Bretagne. Et Richard Cœur de Lion va lui prêter hommage pour l'Aquitaine, pour hériter du patrimoine de sa mère. Et après ce partage-là, les fils vont obtenir d'être intronisés. Par exemple, Henri le Jeune va être couronné du vivant de son père à Westminster. Richard Cœur de Lion va aussi être intronisé en recevant la lance, le vexillium à Poitiers, l'anneau de Sainte-Valérie à Limoges. Et tous ces rituels vont les amener à revendiquer un pouvoir de gouverner effectivement leur territoire. Mais Henri II, qui n'a pas de titre impérial justement, n'a pas de choix que soit en gros abdiquer et ne plus gouverner, ou en fait continuer à vouloir exercer un pouvoir. Et donc là, ça va déclencher une crise familiale importante qui va déboucher sur une révolte nobiliaire en 1173. Et Aliénor, à ce moment-là, va être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Ce qui va être un enjeu, c'est qu'en 1173, justement, toute la cour se retrouve à Limoges parce que le roi d'Angleterre donc essaye de marier son dernier fils, qui était resté sans terre, au comte de Maurienne. Et à ce moment-là, il va faire venir tous les grands vassaux du sud de la France, et notamment le comte de Toulouse. Et il va demander au comte de Toulouse qu'il prête hommage non pas à Richard, ce qui aurait dû être, puisqu'en fait il aurait dû être son souverain, mais à Henri le Jeune. Et là, Aliénor est furieuse parce qu'elle voit que le Toulousain va devenir un fief dépendant du royaume d'Angleterre et non pas de l'Aquitaine. Et ça, c'est ce qui met le feu aux poudres et ce qui va complètement dissoudre à la fois la famille et aussi le couple que formait Henri II et Aliénor, puisque à la suite de la révolte qui va échouer, elle sera emprisonnée jusqu'à la mort d'Henri II. Et voilà, ça se pouille dans la famille. Il y a aussi l'affaire des Trois Châteaux au passage. Oui, il y a l'affaire des Trois Châteaux au passage. Parce qu'il y a un autre mèche qui allume l'explosion. C'est l'affaire des châteaux de Chinon, Loudun et Mirbeau, puisque dans les dispositions qui étaient prises par Henri II, donc les Trois Châteaux qui sont donc très très proches de la Loire et du Cher, hein, devaient être dans la part de Richard et pour marier en fait Jean à la fille donc du comte de Maurienne, de façon à ce que le mariage donc soit accompagné de gestes diplomatiques forts. Il est question donc de sortir ces Trois Châteaux de la part du frère et de la remettre à Jean. Et ça, enfin, vu de Richard, c'est absolument inacceptable. Je veux que toi, Richard, tu sois mon successeur. Je te donne et Alix et la couronne. Si j'avais le goût de la plaisanterie, je m'esclafferais. J'y suis résolu. Que faites-vous de moi? Je suis votre préféré, c'est moi que vous aimez. Je regrette, Jean, je ne puis rien y faire. Pourrais-tu préserver ce que je te donnerai, vaincre Richard par les armes? Vous le pourriez! Je ne serai plus là. Je suis perdant aussi. Les rêves que je faisais pour toi sont finis. Vous m'avez trompé! Je ne l'ai pas voulu. Vous êtes le père le plus exécrable de la terre. J'en suis affligé. Je ne vous crois pas, mais je ferai une chose terrible et alors vous serez affligé. Avez-vous répété tout ceci? Ou est-ce une improvisation? Grand Dieu, mettez-vous en face des faits. De quels faits? Nous en avons tant devant nous. Le pouvoir est le seul fait. Comment puis-je l'écarter du trône? Il le prendrait par la force si je le lui refusais. Non, vous m'obligeriez à me battre. Je vous connais, vous ne me donnerez rien. C'est vrai, je ne te donne rien. Tu as Alix et tu as le royaume, mais moi j'ai ce qui m'est le plus cher. Si tu es roi, l'Angleterre reste intacte. C'est à ça que je tiens. Tout est à toi, la couronne, la donzelle et toute cette maudite pétondière. Ça ne te suffit pas. Un lion en hiver, terrible lion en hiver, cette famille. Mais qui se déchire alors que Henri II, il est plutôt sympa comme papa, c'est-à-dire qu'il prévoit déjà pour ses enfants que chacun ait quelque chose. Oui, mais voilà, le problème, ce n'est pas tenable avec la place de la mère dans cette histoire, Aliénor d'Aquitaine. Alors, quel rôle joue-t-elle ici? Est-ce qu'elle manœuvre un petit peu contre son mari, Henri II? Vous faites oui de la tête à Maurice Chauhou. Oui, parce que derrière chacun des fils, il faut voir que ce sont des réseaux vassaliques qui s'activent pour arracher un maximum de droits et de reconnaissance de la main d'Henri II. Donc, quelque part, il y a des règlements de compte politiques et puis aussi une volonté de se renforcer au détriment du réseau rival. Donc, c'est pour ça qu'Henri est en très grande difficulté, parce que sur un prétexte successoral classique, finalement, Aliénor souffle sur les braises pour quelque part utiliser ses fils, notamment son fils aîné, de façon en fait à asseoir son pouvoir à elle, toujours plus fort sur l'Aquitaine, et protéger Richard, puisque en principe c'est lui qui lui succédera à la tête de l'Aquitaine. Fanny Madeline, on peut vraiment dire ça, que pour Aliénor d'Aquitaine, le plus important c'est l'Aquitaine. Avec elle, l'Aquitaine, avec son fils Richard, le futur Richard Cœur de Lion. Oui, l'Aquitaine, c'est vraiment le cœur de son combat politique, préserver son héritage et ne pas le voir justement absorbé. Elle avait déjà réussi à sauver l'Aquitaine en divorçant, enfin, en se séparant de Louis VII, de garder ce grand-duché dans son patrimoine et l'amener comme ça l'Empire plantagenêt. Et Aliénor, oui, n'a pas du tout la même conception politique de Henri II, qui, lui, justement, va développer au cours de cette année une sorte de gouvernement impérial, c'est-à-dire il va gouverner depuis sa cour, il va essayer de développer des structures administratives qui vont lui permettre de gouverner un si vaste empire depuis un point central qui est la cour, qui est un centre mobile. Et donc il est en train de faire basculer cette organisation politique du XIIe siècle vers quelque chose qui va s'apparenter aux monarchies administratives de la fin du Moyen-Âge. Moyen-Âge. Alors qu'Aliénor, elle, elle est vraiment encore de ce monde de la féodalité à revendiquer le pouvoir des grands féodaux, les pouvoirs territoriaux de ses fils. Elle n'est pas du tout dans cette forme de gouvernement curial. D'ailleurs, en fait, elle le suit très peu, Henri II, dans sa cour qui est entourée de ses conseillers qui l'accompagnent dans chacun de ses déplacements. On a vu qu'elle était beaucoup moins mobile. Donc il y a des manières de gouverner, de concevoir l'organisation politique de l'Empire qui va finalement explosé en 1513 parce que on a ce monde voilà de grands féodaux du début du XIIe siècle et Henri II qui parce qu'il doit essayer de gouverner cet ensemble va développer des structures qui vont aboutir à ces grandes monarchies administratives de la fin du Moyen-Âge. À Morichaud, c'est vraiment ça, les Plantagenêts, c'est confronté aux contraintes d'un si vaste territoire, la nécessité d'inventer une autre manière de gouverner avec de vraies innovations. Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'Henri II et Aliénor n'ont pas du tout le même point de vue. Henri II, quelque part, est plus moderne, on pourrait oser l'anachronisme. Mais lui, son problème, et il est infiniment supérieur à celui d'Aliénor, son problème, c'est le problème d'un gouvernement transmanche. Alors, c'est pas un problème nouveau au Moyen-Âge, puisque Guillaume le Conquérant était déjà confronté au même, et puis Henri Ier Beauclerc aussi. Donc, il y a eu une précocité extraordinaire dans les méthodes de gouvernement transmanche. C'était visible. Déjà avec un certain nombre de traités ou voilà de décisions du temps d'Henri Ier Beauclerc notamment, ce qui ont donné une formidable précocité dans la révolution juridique, dans ce qu'on pourrait appeler le tournant pratique à la monarchie d'Angleterre. Bon, mais Henri, lui, est passé de l'empire anglo-normand à l'empire anglo-angevin, c'est pire parce que les forces centrifuges sont plus importantes dans l'Empire angevin que dans l'Empire anglo-normand. Et c'est là qu'Henri peut compter sur un personnel de très grande classe, hein, d'administrateurs de très très haut niveau, donc soit des gens sortis donc de l'Église, bien sûr, de l'époque. Certains ont pu faire des études de droit et moins d'études d'ailleurs comme Thomas Becket, mais c'était un bon administrateur. Et puis, il peut compter sur des vassaux qui sont aussi des gens, parfaitement aguerri à ce qui est du concilium médiéval, donc de l'aide dans la prise de décision. Il a dans sa propre famille des gens qui peuvent l'aider. Quand on parle d'Henri et d'Aliénor, il ne faut pas oublier qu'Henri a été un petit peu volage et a eu quelques bâtards dont il fallait bien assurer aussi l'avenir, ce qui fait qu'il en a fait de très très bons administrateurs, souvent par le biais de l'Église. Donc c'était quelqu'un qui était très très bien entouré. Maintenant, la décision lui revenait. Donc, même si on le voit souvent discuter, à la fin, c'est lui qui tranche, c'est lui qui assume aussi. Aliénor, elle, par rapport à ça, c'est une princesse territoriale. Mais s'il est vrai qu'elle a été reine de France, ça n'était pas elle qui prenait les décisions du temps de Louis VII. Et là, c'est un petit peu aussi son problème. Ça n'est pas elle qui prend les décisions. Donc, à un moment donné, ça coince. Est-elle influente auprès du roi ? Je pense qu'elle est influente au début du mariage, et notamment après leur mariage en 54, pendant qu'Henri II justement va commencer son itinérance, elle reste en Angleterre et elle assure une forme de régence en Angleterre, un peu à la manière des reines d'Angleterre depuis Guillaume le Conquérant, qui, en l'absence du roi, en fait, prennent les rênes du gouvernement, accompagnées du grand justicier, du chancelier, etc. Donc elle aussi, elle n'est pas toute seule, mais elle a une certaine forme de pouvoir politique, de pouvoir de décision politique au début qui avait été laissé par Henri II. Et je crois que ce pouvoir va un petit peu s'amenuiser au fur et à mesure du temps, de leur relation, jusqu'à complètement disparaître après la révolte. Donc, elle est influente, mais comme toujours, cette influence, elle est variable, elle se modifie au cours du temps. Et voilà, c'est plutôt au début, de son mariage que ça va être important pour elle, ce pouvoir politique. Et puis, après la révolte, c'en est terminé. Évidemment, après la révolte, on sent qu'elle est évidemment plus considérée par le roi. Ici, nous avons un personnage formidable, Henri II Trémien, mais qui, surtout, et vous l'avez dit avec justesse à Maurice Chauhouc, il s'appuie sur des gens compétents et des institutions aussi qui sont adaptées à ce vaste territoire, puisées en Normandie, notamment sur la terre tellement symbolique hein, dans ce duché de Normandie. Ben oui, il y a des institutions donc précoces, hein, que ce soit au niveau fiscal, au niveau judiciaire. Et il lui-même d'ailleurs fait grandir, si vous voulez, cet héritage normand. Donc pour ce qui est de la sophistication des techniques de l'échiquier d'Angleterre, on a la chance d'avoir gardé la série donc des rôles de l'échiquier d'Angleterre quasiment complète. Alors on en a un qui est isolé en 135 et puis après on reprend de façon continue à partir des années 150. Et donc on voit, alors même si on peut pas parler de budget médiéval, ça n'aurait pas de sens. Mais on voit quand même les émissions d'ordre de paiement, on voit les réceptions donc de fonds. Et là, pour le coup, on voit, alors, avec des erreurs inévitables, mais quelle administration ne fait pas d'erreurs, même de nos jours, on voit quand même une maîtrise des paiements, des placements de fonds, etc., de la gestion transmanche, justement, entre deux trésors qui fonctionnent, l'un donc qui est à Winchester pour l'Angleterre, et l'autre donc qui est au château de Caen et à Chinon même pour des paiements. Bon. Donc ça montre bien les problèmes transmanche d'Henri. Pour la justice, même chose, l'avènement d'Henri a été précédé d'une période d'anarchie politique, Fanny vous a décrite, hein, qui a été gravissime pour l'Angleterre, avec un certain nombre de reculs, enfin phénoménaux, pour ce qui est donc du respect des coutumes. Henri veut revenir, il le dit très vite, à la coutume de son grand-père Henri Ier, et il fait prendre donc un traité qui remet à jour le droit et qui va même plus loin que ce qui existait du temps d'Henri Ier, puisque il fait créer donc le ce qu'on appellerait nous le grand jury, de façon à ce qu'il y ait une comparution assez rapide pour prendre la mesure de la cause et voir si ça peut donner suite immédiate à ce qui est le gage pour lui d'une justice rapide et efficace et, si possible, équitable. Voilà. Il fait aussi travailler donc ses shérifs, qui sont des officiers dans l'ensemble compétents qui achètent leurs charges. Hein. Donc ils ont un intérêt bien sûr à l'administration qu'ils rendent, mais qui font le travail. Au départ, il y a une hésitation du point de vue judiciaire entre justice itinérante ou pas, c'est-à-dire que on voit des justiciers enquêteurs, si vous voulez, sillonner le royaume d'Angleterre. Et puis à un moment donné, ça devient trop compliqué. Il y a de l'encombrement. Donc finalement, les justiciers enquêteurs vont être stoppés et tout va être centralisé à Westminster. Mais c'est quelqu'un qui se préoccupe du droit, de façon à ce que soit rendu des décisions de justice de qualité. Quelqu'un qui s'occupe de la fiscalité, quelqu'un qui s'occupe de la défense, de l'ost féodal. Et comme il y a des problèmes d'ailleurs là aussi assez importants, quelqu'un qui modernise beaucoup en recourant beaucoup au mercenariat. Ça, par rapport aux Capétiens, c'est très très moderne aussi, sans vouloir tomber dans l'anachronisme. Donc, c'est un roi bâtisseur, hein, du point de vue architectural. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innovation du temps d'Henri. Oui, les baillis, etc., des mots comme ça que l'on entend par la suite. Ça, c'est de ce côté-ci de la Manche, bien c'est sûr. C'est ici, hein. C'est pas lui qui les a inventés, mais c'est vrai qu'il les a quand même développés comme baillis itinérants. Et quand Philippe Auguste va remettre la main sur la Normandie, les baillis ensuite seront sédentarisés. Aliénor d'Aquitaine, cette double reine, alors bien sûr pas dans le même temps, reine de France puis reine d'Angleterre, avec toujours cette volonté de conserver le pouvoir pour elle peut-être, pour l'Aquitaine, mais surtout pour ses fils. Elle ne... Lying there with book in hand, meditations, concentrations, he came yield, I understand. They say I'm young, I must be young. It's sometimes I won't be same as you. See you. once or twice a queen, once a prisoner too. Eleanor, I'd like to talk to you. Knowing you're winning, oh, be quiet now. Who could stand here free in your glory? Who could stand here? Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Carrie Christensen qui chante la Queen à Lyonard dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Nous nous intéressons à Aliénor, mais également à ce territoire, cet espace, cet ensemble plantagenais, avec Madeleine, Fanny Madeleine, dites-nous... de l'incohérence de l'ensemble. Parce que c'est très bien de dire Henri II, sur ce vaste territoire, fait des innovations pour pouvoir contrôler. Mais est-ce que l'on peut imaginer l'ensemble de tout ce qu'il imagine s'appliquer partout? Il y a encore beaucoup de différences. Oui, il y a beaucoup de différences. D'ailleurs, en fait, c'est le principe des empires que de ne pas être, de faire cette politique de la différence, enfin, de gérer justement toute cette hétérogénéité. Mais il y a des tentatives quand même de normalisation et de verticalisation, en quelque sorte, des rapports de pouvoir de la féodalité sur le modèle anglo-normand, qui est une féodalité justement très verticale, qui remonte au roi directement. Et Henri II va utiliser sa victoire contre la révolte nobiliaire qui est lancée, qui a pris sur la crise familiale, pour changer un petit peu, appesantir son pouvoir dans ces territoires continentaux, et en leur imposant des modes de vassalité, de rédhibilité des châteaux, par exemple. Ça veut dire quoi, rédhibilité des châteaux? Eh bien, ça veut dire que on conserve l'idée que l'honneur ou le fief passe de père en fils, mais quand le fils veut hériter de son père, il doit, pour pouvoir avoir l'hommage, enfin l'honneur ou le fief de son père, rendre hommage au roi d'Angleterre ou au prince territorial. Donc ça veut dire qu'il y a une réactualisation du fief qui permet au roi éventuellement de saisir le château si le seigneur se rebelle, puisqu'en fait il le fait rentrer de manière symbolique dans le domaine public en rappelant l'origine, voilà, de ce château qui avait été inféodé. Et ça, c'est quelque chose qui était très fort en Angleterre et en Normandie, et que Henri II va progressivement imposer en Anjou et surtout en Aquitaine, et qui va aussi donc du coup créer beaucoup de tensions et de résistance de la part des Aquitains et de tous ces féodaux, ces vassaux continentaux. Et Aliénor, évidemment, qui ne doit pas être contente qu'on tripotouille à l'Aquitaine avec le pouvoir royal, bien sûr, mais il n'y a pas que ce pouvoir royal. Petit tour à tour. À ce concile de Tours apparaît le jeune primat d'Angleterre, Thomas Becket, qui reçoit un accueil triomphal et de la part des Français, preuve que dans ses passages à travers les domaines et d'Henri II et de Louis VII, il n'a pas acquis si mauvaise réputation. D'autre part, il est accueilli paternellement, mais très affectueusement, par le pape Alexandre. Alors, Becket entend l'évêque de Lisieux, Arnoux, faire un discours qui va être pour lui tout un programme. Défendre l'unité de l'Église contre tous les schismatiques, et c'est liberté contre tous les tyrans. Une causerie du révérend père Michel Riquet, radio diffusée en 1961, qui évoque ce concile de Tours auquel participe Thomas Becket. On est dans cette seconde moitié du XIIe siècle avec un personnage dont le nom est incontournable, puisque l'un et l'autre, vous l'avez cité plusieurs fois depuis le début de l'émission. Qui est ce Thomas Becket ? Alors, c'est vraiment le prototype achevé de ce que produit la cour Plantagenet, puisque au départ, on pourrait nous dire de façon anachronique imparvenu, hein, c'est un fils de marchand, c'est pas du tout quelqu'un d'origine aristocratique, qui en tant que tel donc a fréquenté les écoles de droit de Londres, si vous voulez, et qui, parce que oui, il est devenu donc talentueux dans la rédaction des actes, est entré dans une pépinière de talent, qui était la chancellerie de l'archevêque de Canterbury. Et c'est là, donc, dans ce qu'on pourrait un peu décrire comme une écurie de futurs grands personnages du XIIe siècle, à l'époque où se développe ce qu'on appelle quelquefois la réforme grégorienne, un terme qui pose problème, bon, qu'il rencontre, par exemple, un secrétaire de l'archevêque qui va devenir un très grand, si ce n'est le plus grand théologien du XIIe siècle, Jean de Salisbury, hein, qui on va retrouvé ensuite évêque de Chartres à partir de 1176. Et c'est là donc qu'il se fait apprécier au travail donc de rédaction d'actes pour l'archevêque, jusqu'à donc monter en grade en quelque sorte, et puis donc par reconnaissance, parce qu'il a su y faire aussi pour se faire remarquer par Henri II, devenir chancelier d'Angleterre. Donc il est relativement jeune quand même, et abat un travail considérable. Alors chancelier d'Angleterre, ce qui est un poste très très très très exposé, mais bon, il arrive à gérer. Arrive le moment du décès de l'archevêque en titre. Henri II se dit que ça pourrait être une bonne opportunité pour lui, pour avoir l'église de Canterbury dans la main, que de nommer, donc faire nommer archevêque de Canterbury son chancelier. Et là, ce que Henri n'a pas vu venir, c'est que Thomas Becket va se conformer finalement aux intérêts de l'église de Canterbury pour commencer. Un petit peu les siens aussi, il faut le dire. Mais il va devenir le défenseur des libertés de l'Église de Canterbury et avec des libertés de l'Église d'Angleterre, en plein contexte grégorien, c'est-à-dire en plein contexte de redéfinition des pouvoirs, les uns par rapport aux autres, voilà, les ecclésiastiques entendant se faire respecter comme seigneurs là où ils sont possessionnés, ce que Henri II et les juges royaux voient d'un mauvais œil. Donc il y avait déjà eu un épisode tendu qui était les constitutions de Clarendon en 1164, et à partir de là, la querelle va s'envenimer entre le roi et son ancien chancelier. Ah bah Fanny Madeleine, ça s'envenime, oui, ça on peut le dire, mais alors le pauvre Thomas Becket, lui, il va en subir les pires conséquences s'il en est tué. Oui, alors avant d'être tué, il doit partir en exil, c'est-à-dire qu'il s'oppose à la réforme que le roi veut faire. On a parlé tout à l'heure des réformes judiciaires d'Henri II. Les constitutions de Clarendon, justement, fait partie de cette réforme de la justice. Et notamment, Henri II met en place une justice d'appel qui doit concerner les clercs. Il ne veut pas, il n'y veut qu'il n'y ait aucun sujet de son royaume qui puisse échapper à la justice royale. Et donc là, ça va à l'opposé total de ce qu'est en train de construire à ce moment-là l'Église grégorienne, qui est en fait de séparer complètement les clercs des laïcs en donnant aux clercs une justice qui relève uniquement du droit canonique. Et donc là, il y a une opposition très forte entre la souveraineté que Henri II est en train de se construire en Angleterre et puis ce droit spécifique des clercs. Donc Becket, qui s'oppose à Henri II, doit partir. Il trouve refuge d'abord à la cour de France, chez les cisterciens aussi, à Pontigny. Et Henri II et Becket étaient très proches. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas seulement son conseiller. Ils avaient vraiment une relation amicale très forte. Donc l'opposition est aussi un lieu d'expression d'émotions politiques et d'affection qui est très spécifique. C'est peut-être aussi s'explique pourquoi en fait ça va aussi mal se dégénérer. Et après de multiples rencontres, on va essayer de faire l'intermédiaire, on va essayer de proposer, enfin essayer de faire en sorte que Beckett puisse revenir en Angleterre, reprendre sa place de prélat. Mais pour ça, Henri II doit accepter de reconnaître, de s'excuser ou de reconnaître un certain nombre de libertés. On va y arriver. Beckett va retourner en Angleterre en 169. En 70, et puis il va du coup promulguer, enfin se comporter comme un archevêque, ce qui va et puis essayer de rallier enfin autour de lui un certain nombre de d'évêques d'Angleterre qui, pour bon nombre d'entre eux, avaient été restés loyaux à Henri II. Donc il va essayer quand même de ramener à lui ces évêques qui étaient restés à Henri II, et puis Henri II est très mécontent, et au cours d'une de ses cours, alors qu'il est à Argentan, il va pester contre cet archevêque qui l'empêche d'accomplir ses réformes, qui l'entrave. Et trois chevaliers vont le prendre au mot lorsqu'il dit « Mais qui va enfin me débarrasser de cet archevêque ?» Et ils vont traverser la Manche de nuit, retrouver Beckett dans sa cathédrale un soir de décembre, le 20 décembre, je crois, en 170, et l'assassiner, faire couler le sang de l'archevêque dans la cathédrale. Ah bah pour le roi, c'est une véritable catastrophe. Enfin, avoir la responsabilité indirecte, mais ça suffit, d'avoir tué l'archevêque de Canterbury, ça c'est une tâche indélébile pour Henri II. Comment ça se passe avec Aliénor ici? C'est-à-dire que nous sommes en 1170, elle est déjà un peu exclue de tout cela, il y a eu déjà des soucis? Alors, elle a du recul elle, vis-à-vis de tout ça, parce que c'est une affaire qui, au départ, touche vraiment les libertés de l'Église d'Angleterre. Donc, même si elle a pas spécialement envie que ça déborde complètement, au départ, c'est vraiment le problème d'Henri. Elle est approchée, Fanny a tout à fait raison quand elle dit que Thomas Beckett cherche des appuis donc à la Cour de France et dans la province ecclésiastique de Sens. Elle est approchée un petit peu à ce moment-là, mais en fait, elle n'ose pas trop prendre parti, parce qu'elle sait très bien que du côté de l'Église d'Angleterre même, les gens sont très divisés. C'est-à-dire que pendant qu'il y a des gens qui sont des soutiens dans les évêques suffragants de Beckett, et qui, voilà, lui écrivent, hein, il y a une forte production de correspondance à cette époque-là. On a d'autres évêques, par exemple l'évêque Gilbert Folliot, dont les lettres ont été conservées, évêque de Londres, qui écrivent pique-pendre de Beckett. Donc Aliénor sait très bien qu'il n'y a que des coups à prendre dans cette affaire, et donc elle ne dit trop rien. Et elle a raison, elle a un grand talent politique, parce qu'effectivement tout va rejaillir sur Henri II. Oui, en fait, elle a un rôle un peu de médiatrice. C'est-à-dire qu'en fait, elle, avec avant la mort de Mathilde Lempresse, la mère d'Henri II, en 1167, elles vont toutes les deux envoyer des lettres pour essayer de faire en sorte que le roi et son archevêque se réconcilient. Donc, elle va surtout avoir ce rôle de conciliation, d'essayer d'amener son mari à la raison. Mais avec une certaine forme de distance, elle prend pas du tout parti. Elle s'instaure au contraire comme un peu comme le roi de France, comme une instance médiatrice dans ce conflit qui peut avoir des conséquences graves, comme ça va être le cas. Et les conséquences, de toute façon, elles le sont pour Henri II extrêmement graves. Mais pour Aliénor, la question, elle, se pose plus sur la question successorale, sur ses enfants, la place à donner à ses enfants, ce qui conduit à la révolte. On est quelques années après, hein. 1170, c'est la mort de Thomas Beckett. 1173, c'est la révolte. Il y a quand même la volonté de s'éloigner de ce mari, un peu volage, un peu enquiquinant aussi, et qui ne lui convient plus. Ah bah de toute façon oui, 1173, ça fait partie des quatre années noires d'Henri II, hein, puisque il ne sera véritablement rétabli dans son honneur, véritablement blanchi par Rome qu'avec la pénitence publique qu'il va effectuer à Avranches, mais on est en 1174. Bon, un événement qui a été précédé en plus par une victoire militaire sur le roi d'Écosse qui faisait partie des rebelles de 1173. Donc il y a deux événements très rapprochés qui prouvent que les choses sont en train de basculer de façon beaucoup plus positive en faveur d'Henri II, mais entre 1170 et 1174, Henri II, c'est un paria. C'est la date même de l'assassinat, c'est le 29 décembre 1170, c'est le lendemain de la Saint-Innocent. Bon, donc rien que ça, avec le sang qui coule au pied d'un hôtel de la cathédrale de Canterbury, enfin, Henri II, il n'est pas présentable, si vous voulez. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va en Irlande, parce que là, pour le coup, au moins, on est à une périphérie, une marge, vous voyez, occidentale, donc il sait qu'il peut opérer. Oui, mais Amaury Chauhou, vous l'avez dit, ce paria revient sur le devant de la scène quelques temps après, et pour les ennemis du paria, c'est pas bon pour Eleanor. Ça, c'est direction la captivité, mais ça, c'est la suite de nos aventures. Merci vivement à tous les deux de nous avoir présenté Eleanor, reine d'Angleterre, et ce monde plantagenet, les plantagenets et leur empire, construire un territoire politique aux prés universitaires de Rennes. Fanny Madeline, c'est votre ouvrage, et les plantagenets et leur cours aux prés universitaires de France, Amaury Chauhou, ça c'est le vôtre. Merci vivement à tous les deux. Merci, bonne vie. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi a-t-on oublié que ce sont des ouvriers écossais qui ont inventé le kilt? Dans le prolongement des chroniques que j'ai consacrées à l'invention des traditions, je parlerai aujourd'hui de l'histoire du kilt. Comme on le sait, il s'agit d'un vêtement qui se présente généralement sous la forme d'une jupe plissée, faite à partir d'une étoffe de laine à carreaux colorés qu'on appelle le tartan. En septembre 2023, dans le cadre des cérémonies célébrant son avènement sur le trône du Royaume-Uni, le roi Charles III a étrenné un nouveau kilt spécialement conçu en l'honneur de son couronnement. La cérémonie ayant pour but de rappeler le soutien résolu de Sa Majesté à la préservation de la culture et des traditions du costume des Highlands et des tartans écossais. Aujourd'hui, il semble évident que cet habit traditionnel rappelle une très ancienne et très respectable tradition écossaise. Pourtant, la signification du kilt a fait l'objet d'un double renversement au cours des trois derniers siècles. Le premier est un renversement d'ordre social. Aujourd'hui, ce sont les élites britanniques qui aiment revêtir le kilt dans les grandes occasions. Mais au XVIIIe siècle, il s'agissait d'un vêtement porté par des ouvriers. Comme ils étaient pauvres, ils n'avaient pas les moyens de se payer des vêtements cousus, ce qui les poussait à revêtir une sorte de plaid ceinturé. Mais le développement de l'industrie métallurgique contraignit un nombre de plus en plus grand d'ouvriers à travailler le fer en fusion. Leur tenue traditionnelle ne leur permettant pas de se protéger des risques de brûlure, les maîtres de forge demandèrent à des tailleurs de s'en inspirer pour en faire l'uniforme de leurs employés. Le second renversement est d'ordre chronologique. Le discours officiel présente aujourd'hui le port du kilt comme une coutume ancestrale, alors qu'il ne s'est imposé qu'au XIXe siècle. En 1688, ce que les Anglais appellent la Glorieuse Révolution a écarté du trône Jack Stuart, le dernier roi catholique de la monarchie britannique. Au cours des décennies suivantes, ses partisans, surnommés les Jacobites, étant particulièrement nombreux en Écosse, les Anglais voulurent mettre fin au particularisme culturel écossais en interdisant aux ouvriers de porter le kilt. À la fin du XVIIIe siècle, cette interdiction ayant été levée, le kilt est réapparu chez les élites écossaises engagées dans le mouvement de réhabilitation culturelle des traditions celtiques. Le vêtement modeste que portaient les ouvriers travaillant le fer en fusion fit place à de belles tenues réalisées dans des formats coûteux et sophistiqués. Comme c'est presque toujours le cas, cette logique identitaire a puisé dans l'histoire les arguments dont elle avait besoin pour s'imposer. L'engouement pour le Moyen-Âge, perçu comme l'époque où se sont formées les nations modernes, a abouti à la découverte d'un manuscrit prétendument rédigé au XVIe siècle. Il affirmait que le kilt avait été porté dans toute l'Europe au Moyen-Âge avant de disparaître à la Renaissance. C'est cette légende sur les traditions écossaises que la famille royale a exploitée à partir du XIXe siècle pour consolider l'union entre l'Écosse et l'Angleterre. Perfide Albion. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Jeanne Copin, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.